Apophis. Apophis. Toxic music. Sortez les masques, gaz, je perds sans mascara. Je fais pas du hook, mais je te fais du sang plus de l'encre et gangsta rap. Les faux s'arrachent, c'est quoi pour la guerre, t'attendras, man. Sous ton car, les vapeurs sont toxiques, fais belle éclat ton crâne. Hey yo yo yo, on dégaine les punchlines. L'ennemi arrive en force, donc on prépare les recharges. A vouloir tout d'un coup, on oublie l'essentiel. Dans mes chansons, je crie pas l'amour, c'est pour du bif que les gens s'aiment. Comme nos ancêtres, sauf qu'on n'a pas eu d'héritage. Il faudra bien qu'on leur enseigne nos valeurs, vu qu'en Paris cache. Grave, même la course est rude pour les mecs hardcore. Dans la descente, les pilotes de F1 deviennent des mécanos. C'est pour la première position qu'on se goûte. Jusqu'ici, j'ai fait la course, mais j'avais pas de route secours. Je roule sur les clous, on prend des coups sur le chemin de la sortie. Avec cette mélodie en tête qui me rappelle que mon sang est toxique. J'accumule les rimes en tête, on saccage les carreaux vu qu'ils nous bloquent toutes les entrées. Toxique, bougez la tête, levez les bras. C'est pas de la tech, c'est pas du rap, c'est de la musique qui respire rap. Toxique mélodie, j'accumule les rimes en tête, on saccage les carreaux vu qu'ils nous bloquent toutes les entrées. Toxique, bougez la tête, levez les bras. C'est pas de la tech, c'est pas du rap, c'est de la musique qui respire rap. Toxique mélodie. Comme cette mélodie qui tourne en boucle le soir. Si je suis pas à la hauteur, faut que mes boucles le soir. Vas-y bouge là, c'est Apophis qui mitraille. Vu le niveau, je crois que je vais me lancer dans la vente de cartouches lyricales. Vaut mieux rester calme, laisse les gars faire des pas de danse. Pull up c'est les cas, je remets tout le monde d'accord en 4 secondes. Mais pour le top niveau, je m'en bats les couilles, ta gloire. Range ton cahier, mets ton KO et il pleut des coups comme mon Kawan. Ça pue le cadavre, il se demande où se cachent les corps. J'suis au micro, c'est pas du cash, mais tu finiras dans les cordes. Kick au stylo, pic, vite, je vais te montrer le taf. Je veux pas trimer pour le trône, je préfère éventrer le roi. Toxique gel, décidément plus le temps de bonnerie. En manque d'oxygène, respirant des substances nocives. J'opère au mic, assisté par l'acide. L'encre coule entre les doigts, j'en fais de l'acide contre les parasites. Toxique, j'accumule les rimes en tête, on saccage les carreaux vu qu'ils nous bloquent toutes les entrées. Toxique, bougez la tête, levez les bras. C'est pas de la tech, c'est pas du rap, c'est de la musique qui respire rap. Toxique mélodie, j'accumule les rimes en tête, on saccage les carreaux vu qu'ils nous bloquent toutes les entrées. Toxique, bougez la tête, levez les bras. C'est pas de la tech, c'est pas du rap, c'est de la musique qui respire rap. Toxique mélodie. Amalgame rock, Gypsy tap, les intimes, le topi mon frère d'armes, Ercaïde. On est là ou quoi? 2012, sans dimension. J'accumule les rimes en tête, on saccage les carreaux vu qu'ils nous bloquent toutes les entrées. Toxique, bougez la tête, levez les bras. C'est pas de la tech, c'est pas du rap, c'est de la musique qui respire rap. Toxique mélodie. Toxique mélodie. Toxique mélodie. Bougez la tête, levez les bras. C'est pas de la tech, c'est pas du rap, c'est de la musique qui respire rap. Toxique.